Un podcast studio dilettante. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante. Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je précise. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu, ou pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie. Encore une fois, cette semaine, on va parler du jeu, plutôt jeu vidéo a priori, mais en tout cas, on va essayer de le faire aussi un peu sous toutes ses formes. Donc jeu vidéo, jeu de rôle et jeu de société. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qu'on a un petit peu traitée, mais on va spécifier un peu le sujet avec un spécialiste. On va parler de la figure du héros, de l'héroïne, vraiment du super-héros ou de la super-héroïne. Pour m'accompagner, Fanny, bonjour peut-être. Bonjour. Et donc, pour ce podcast, pour ce sujet, on a invité Siegfried Wurtz. J'espère que je n'écorche pas ton nom. Alors, pour faire très court, tu es donc doctorant en littérature comparée et tu t'intéresses donc à la figure du héros, sa dimension politique. Mais je te laisse peut-être spécifier tes recherches. Oui, bonjour. Donc, c'est Siegfried Wurtz, tu y étais presque. Oui, je m'intéresse aux super-héros, plus précisément à la représentation du lien entre pouvoir et responsabilité dans le comics de super-héros états-unien, présentant des super-héros presque omnipotents depuis 1986. Et donc à la manière dont le super-héros nous interroge sur notre relation à l'État, à la citoyenneté, à la démocratie. Et alors la question tout de suite qui vient à l'esprit quand on entend le sujet de tes recherches, c'est pourquoi 86 ? 86, c'est la date de parution de Watchmen, d'Alan Moore et Dave Gibbons, et de The Dark Knight Returns de Frank Miller. Donc c'est les deux comics par lesquels on fait débuter généralement le Modern Age, en tout cas une remise en cause de la figure du super-héros. Et est-ce que tu peux rapidement nous dresser, par rapport à ces super-héros ou héroïnes omnipotents, à grands traits, les qualités et les défauts qu'on peut leur trouver ? Ouf, c'est une question assez large. C'est volontaire, hein. On ratisse large au début. Eh bien, pour les qualités, déjà, on peut dire que le super-héros se définit quand même par son héroïsme extraordinaire, donc il est supposé porter des valeurs positives, exemplaires, et en contre-coup, le revers de la médaille, c'est qu'il est exemplaire, y compris dans ses pratiques les plus malsaines, les plus insidieuses. C'est ce que, dans ma thèse, je qualifie du fascisme intrinsèque au super-héros, qui est le fait qu'on finit par imiter un personnage qui est un hors-la-loi, qui fragilise la démocratie parce qu'il s'ingère continuellement dans les affaires des hommes et les sauve au détriment des forces institutionnelles. Donc, dans l'ensemble, pour parler un peu de tous les super-héros, voilà quelle serait la qualité et le défaut principal qu'on pourrait trouver à cette figure. Si je réponds bien, ça va. Non, mais y a pas, après, c'est aussi une interprétation, et pour le coup, c'est vrai que ça apporte un éclairage un peu inédit sur ces figures qu'on connaît. C'est vrai que, par exemple, dans le cas de Batman, on voit bien, notamment dans le dernier, dans les films de Nolan, on voit bien le côté ingérence dans une démocratie avec des lois qui encadrent et donc des forces de l'ordre qui ont une légitimité à une certaine violence. Du coup, en fait, ça, là, pour le coup, Batman, c'est un héros, entre guillemets, classique, dans le sens où peut-être il n'a pas de pouvoir par rapport à un super-héros. C'est quoi, pour toi, la différence entre héros, super-héros, et pareil au féminin, du coup ? Déjà, basiquement, il y a deux grosses définitions du héros. La première, c'est simplement le protagoniste d'un récit. Et la deuxième, c'est le personnage qui porte des valeurs morales et qui présente une certaine capacité d'action dans son monde fictif. Là où le super-héros, c'est une figure historique, une figure qui est datée, qui est liée à un style, à une tradition. Grosso modo, et pour simplifier un peu, on peut dire que le super-héros, c'est une figure qui émerge avec Superman en 1938 et qui est associée aux comics, c'est-à-dire à un fascicule, une forme spécifique de bande dessinée états-unienne qui tous les super-héros se fondent sur Superman et sur Batman, sur les quelques super-héros des premiers temps, pour proposer leur propre variation, voire leur propre prise de distance par rapport à ces figures. Mais pour grosso modo, voilà comment on pourrait les distinguer les deux. Le héros, c'est vraiment une figure universelle et intemporelle, là où le super-héros, c'est une figure qui possède certaines caractéristiques et qui est vraiment datée dans le temps et liée à un certain médium. Et du coup, ces super-héros, super-héroïnes, pour pouvoir s'immerger dans une histoire, que ce soit de façon sous forme de comics comme de jeux vidéo, il faut quand même avoir un minimum d'empathie pour les personnages. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont crédibles malgré tout, alors qu'on parle de personnes qui font des rayons laser avec leurs yeux, qui ont une super force et ainsi de suite? Déjà, il me semble que le fait qu'ils soient si différents de nous n'est pas forcément un frein à l'identification, dans le sens où à partir du moment où un univers est assez bien construit, on peut s'identifier à peu près n'importe quoi. Après tout, si on regarde n'importe quel jeu vidéo, lesquels peuvent être réalistes, pourquoi est-ce qu'on s'identifierait moins facilement à Superman qu'à Tomb Raider, par exemple, alors que tous les deux ont des capacités en jeu parfaitement surnaturelles? Après, il y a des tentatives, enfin, le super-héros se caractérise essentiellement par un environnement urbain qui est supposé rappeler notre propre réalité, notre propre monde contemporain, nos métropoles. C'est aussi pour ça que Superman agit à Metropolis et Batman à Gotham. L'idée était de créer des villes fictives dans lesquelles on pourrait reconnaître n'importe quelle métropole, là où Marvel suit une politique opposée en associant notamment ses super-héros à New York. Par ailleurs, les super-héros ont pour la plupart une identité civile, humaine, où du moins se font passer pour des êtres humains, auxquels on peut s'identifier. Par exemple, parmi les exemples les plus emblématiques, on a Spider-Man qui, au civil, est un adolescent ou un jeune adulte complètement perdu dans la vie, qui ne sait pas trop comment gérer ses relations sentimentales, comment gérer son devoir super-héroïque et ses obligations quotidiennes, où on a Superman qui est le héros rassurant et puissant par excellence, et au civil n'est que Clark Kent, un journaliste maladroit, un personnage assez médiocre. Et donc il représente une espèce de fantasme pour le lecteur qui s'identifie forcément à Clark Kent et qui rêve au fond de devenir Superman comme le personnage dont il lit les aventures. C'est intéressant effectivement que tu évoques le cas de Superman et Spider-Man, parce qu'effectivement on voit bien, hein, tu as bien décrit l'antagonisme entre effectivement la figure, je pense, paternelle, je pense qu'on peut le dire, de Superman et Spider-Man, qui est plus effectivement dans quelque chose d'adolescent, en tout cas de jeune adulte en tout cas. Ce qui me fait dire peut-être que le pouvoir, le super pouvoir qu'ils ont n'est peut-être pas anodin en termes aussi politiques, symboliques ou autres. Est-ce qu'on remarque justement différentes tendances? Est-ce que par exemple, je sais pas, pour paraphraser une question un peu provocatrice, est-ce qu'il y a des super-héros de droite, est-ce qu'il y a des super-héros de gauche? Parce qu'effectivement, on voit bien dans le côté surpuissant de Superman qu'il y a un côté très, très fort, la puissance, quoi. Alors, Superman, à ses débuts, était une figure plutôt de gauche, qui ensuite est devenue plus conservatrice. Il faut savoir que les premiers super-héros sont créés par des juifs, qui sont des enfants d'immigrés, donc qui ont généralement vécu dans des ghettos, qui viennent de classes assez défavorisées et qui justement se lancent dans les comics parce qu'ils n'ont pas accès à de meilleures professions. Donc il y a forcément une volonté un peu socialiste, une espèce de volonté d'intégration. Ce sont des gens qui rêvent d'un avenir meilleur, qui rêvent d'être mieux acceptés dans le pays dans lequel ils vivent. Et c'est aussi pour ça que Superman est une espèce de figure de l'immigré parfait, un extraterrestre qui est accepté par les Américains, qui maîtrise leur langue, qui prend un nom américain, etc. Donc il y a cette dimension-là. Est-ce que tu veux rappeler la question ? Non, enfin, ma question était est-ce qu'il y avait des super-héros de droite ou de gauche ? Tu disais que donc au début, les super-héros, mais aussi leur pouvoir, parce qu'effectivement, le côté Superman qui peut voir à travers les murs, j'en sais rien pour le coup, moi je n'y connais rien, hein. On pourrait imaginer que c'est une société à la surveillance, on pourrait imaginer que chaque pouvoir induit, comment dire, une certaine volonté politique. Tout à fait, donc ça c'est vraiment la dimension que j'explore dans ma thèse, c'est que le super-héros en soi semble être un personnage, c'est ce que tu dis très bien, un personnage de droite, effectivement, il y a une dimension de surveillance, il y a une dimension de force, une dimension de, d'action qui semble être des valeurs de droite, d'autant que le super-héros est quand même là pour restaurer l'ordre dans une société déstabilisée par le crime. Il ne change pas les choses. Superman aurait tout à fait le pouvoir de déposer tous les dictateurs, d'instaurer une meilleure démocratie, de résoudre la faim dans le monde. Enfin, il pourrait se pencher sur ces questions-là. Et au lieu de ça, il va arrêter des bandits dans les rues, il protège la propriété, il protège la vie des citoyens, il protège la vie politique telle qu'elle existe. Et la vie politique américaine, on sait qu'elle peine parfois à affirmer toute sa dimension démocratique. Donc c'est un personnage qui se prétend parfaitement, qui est présenté comme parfaitement démocrate et généralement écrit effectivement par des personnages, des auteurs plutôt de gauche, mais qui recèle toujours un sous-texte de droite qui n'est pas toujours assumé. Et c'est aussi pour ça que la date de 1986 devient importante, parce que c'est là qu'on assume vraiment le fait que le super-héros possède quelque chose d'intrinsèquement fasciste, conservateur, républicain, de dangereux, avec quoi on devrait prendre ses distances. Dans Watchmen, par exemple, enfin, je ne sais pas si vous avez lu le comics ou vu le film, mais le docteur Manhattan, qui est le seul vrai super-héros de l'univers des Watchmen, défend Nixon et lui permet de conquérir le Vietnam, qui devient le 51e État des États-Unis. Donc il y a vraiment une volonté de prise de distance avec ce conservatisme associé intrinsèquement au super-héros. Oui, oui, alors ça m'évoque, ça me fait prendre... J'ai trop de questions là, parce que je n'avais pas réfléchi en fait à cette dimension-là sur le super-héros qui effectivement ne fait que protéger l'ordre établi. Et je n'avais pas, de manière très abstraite, réfléchi au fait que ouais, Superman, il aurait carrément pu réfléchir un peu à la fin dans le monde et travailler pour protéger les plus faibles. Et voilà, c'est juste que je suis en train de reconfigurer mon schéma mental sur le super-héros pendant qu'on parle. Du coup, je trouve ça vraiment passionnant. Est-ce qu'il existe dans les figures de super-héros plus contemporains des super-héros, super-héroïnes qui auraient essayé de prendre un peu, dont les auteurs auraient essayé de prendre le contre-pied de ça, justement, essayer de les responsabiliser, de les rendre peut-être plus proche des soucis populaires Alors, il y a eu plusieurs tentatives, mais déjà, il faut bien comprendre que si le super-héros ne change pas les choses, c'est pour une raison très simple, le lecteur ne se reconnaîtrait pas dans un monde dans un monde entièrement démocratique où il n'y aurait plus de faim, plus de maladies, plus de crimes. Donc il faut, c'est ce que Umberto Eco appelait une espèce de temps éternel, un temps qui n'évolue pas, où le crime continue d'exister, où les institutions continuent de maintenir leur forme actuelle, pour que le super-héros puisse continuer d'accomplir les mêmes missions. Sans quoi, on se retrouverait devant des mondes beaucoup trop différents et le super-héros n'aurait plus rien à faire sur Terre. Il faut que finalement, c'est un peu malicieux, il faut que le super-héros continue de laisser vivre une institution qui fait prospérer le crime, parce que sinon, il n'aura plus de criminels à abattre. Donc ça, c'est une contrainte dramatique. Donc effectivement, on a des comics qui tentent de responsabiliser les super-héros. On a notamment une tendance au début des années 70 qui s'appelait le comics pertinent, le Relevant Comics, dans lequel on essaie de confronter le super-héros au problème de ségrégation, de le faire un peu descendre de son piédestal pour lui faire reprendre pied dans d'autres mondes. Et après 86, on a plusieurs tentatives. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois que Superman, par exemple, ou ses passifs, ses parodies, décide de prendre le pouvoir, il est immanquablement associé à une figure du tyran et finit par s'entourer de symboles fascisants, par devenir le super-vilain contre lequel, généralement, Batman doit se battre, parce que Batman incarne toujours la résistance humaine face au dieu qui impose son pouvoir. Même dans un comics beaucoup plus optimiste, comme Kingdom Come, par exemple, plusieurs super-héros décident ensemble de prendre le pouvoir sur la Terre, enfin de vraiment se mettre au travail, et finissent par se retirer en avouant qu'ils ont eu tort de faire ce qu'ils faisaient, parce que même s'ils avaient une volonté sincère et le pouvoir de changer les choses, ils ne devraient pas retirer leur pouvoir aux êtres humains, ce qu'ils font fatalement quand ils décident de vraiment changer les choses. Donc forcément, c'est quelque chose qui est assez pervers. Et c'est justement pour ça que j'y consacre ma thèse. C'est quelque chose d'assez fondamentalement intéressant d'avoir des personnages qui sont bienveillants, qui sont puissants, qui pourraient changer les choses, qui quand ils le font, sont dévalorisés par le comics, et quand ils ne le font pas, sont supposés être admirables, et pourtant laissent une société qu'ils auraient le pouvoir de changer. Et du coup, tu mettrais où le curseur entre super-héros et super-vilain dans ces définitions-là ? Eh bien, généralement, quand le super-héros prend un pouvoir politique, il devient immédiatement un super-vilain. Et du coup, on a d'autres super-héros qui émergent pour affronter le super-vilain. C'est ce que je disais, quand Superman prend le pouvoir, Batman devient le super-héros qui doit affronter le tyran Superman. Globalement, mais généralement, la différence assez classique entre le super-héros et le super-vilain, c'est que le super-vilain veut conquérir le monde, ou en tout cas, ce qu'il distingue fondamentalement, c'est qu'il ne respecte pas la vie humaine, là où le super-héros est supposé respecter la vie humaine. Après, ça pose effectivement des questions de pouvoir assez complexes, mais Superman devient vraiment tyrannique à partir du moment où, pour affirmer son pouvoir, il doit tuer ses opposants. C'est ce qui arrive notamment, ça vous en souvenez peut-être, dans le jeu vidéo Injustice, qui est basé qui a ensuite donné lieu à des comics, et dont tout le postulat, c'est qu'il se passe dans un univers où Superman prend le pouvoir, tue le Joker qui vient lui-même de détruire Metropolis, et décide que ça n'arrivera jamais plus, mais devient immédiatement un tyran qui commence à abattre ses adversaires par nécessité politique, nous dit-on. Effectivement, quelqu'un qui nous veut du bien, ça c'est marrant parce que en t'écoutant, on peut voir un parallèle avec certaines grandes entreprises, notamment du numérique, qui ont pour slogan "Don't be evil" et interagissent avec nos vies avec des capacités qui nous dépassent. Mais ce n'est pas le sujet de ce podcast, puisqu'on s'intéresse à l'écriture, à comment on fait un héros ou une héroïne. Ce qui m'amène à penser, on parle de pouvoir, on parle d'impact aussi sur son environnement, sa société. Parfois, naturellement ou parce qu'il y a de la kryptonite, il y a un élément qui vient bloquer leur pouvoir, bah effectivement, les héros n'ont pas de pouvoir. Naturellement, parce qu'ils sont nés. Par exemple, Batman, théoriquement, n'a pas de pouvoir. Superman en a, mais il est en tout cas diminué dans ses capacités avec de la kryptonite. Mais je pense aussi, par exemple, à V pour Vendetta, qui, a priori, n'a pas de super pouvoir, enfin, pas que je sache. V a subi des expériences extraordinaires. Mais peut-être que toi, tu as des exemples de comment on peut écrire un super-héros, une super-héroïne sans pouvoir. C'était ça ma question, en fait. Bah, il en existe quelques-uns, par exemple la Veuve Noire ou le Punisher, qui eux n'ont subi aucun traitement particulier et sont pourtant considérés comme des super-héros. Et qu'est-ce qui les caractérise justement qu'est-ce qui font qu'ils sont super, à part qu'ils se rebellent et parfois cassent certaines figures, et qui n'en fait pas de super-vilains? Alors, en fait, ce sont des personnages qui posent problème, parce qu'évidemment, ils cassent la plupart des définitions du super-héros. Rien que dans le fait qu'il ne possède pas de pouvoir et qu'il ne possède pas de... Enfin, pas toujours d'identité civile. Enfin, c'est ce que j'appelle des super-héros qui sont uniquement des super-héros relativement aux autres super-héros. C'est-à-dire qu'ils sont des super-héros parce qu'ils apparaissent dans des comics et qu'ils sont associés à d'autres personnages de comics. Et notamment d'autres super-héros. Enfin, le Punisher, on le voit souvent lutter contre des gens qui sont clairement des super-vilains et s'associer à Daredevil ou à d'autres, là où Natasha Romanoff, évidemment, fait partie des Avengers. Alors que s'ils apparaissaient dans des publications indépendantes, voire dans un autre médium, sans côtoyer aucun super-héros, à aucun moment on les identifierait comme des super-héros. Donc le super-héros doit posséder quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est pour ça qu'on l'appelle super, c'est-à-dire qu'il doit dépasser les limites naturelles de la condition humaine par son héroïsme ou par des capacités extraordinaires qui peuvent être liées à la magie, à des pouvoirs naturels ou simplement à des gadgets. Les rares personnages qui ne possèdent pas ces éléments ne sont des super-héros que parce qu'ils sont associés à d'autres super-héros et donc reconnus comme super-héros, alors qu'ils ne possèdent pas en eux les caractéristiques intrinsèques qui leur permettraient d'être définis comme tels. Et d'ailleurs, on voit bien que ce sont des personnages qu'on évite de faire interagir avec les autres super-héros parce qu'ils paraissent trop médiocres par rapport à eux. La Veuve Noire, on sait bien pourquoi Marvel a pris autant de temps pour annoncer un film La Veuve Noire, c'est que le personnage ne paraît pas tellement intéressant. On a beaucoup, beaucoup craché sur Hawkeye, par exemple, qui effectivement paraît a un peu l'air d'être le maillon faible des Vengeurs, et de même, le Punisher n'aurait a priori pas grand-chose à faire dans les Avengers. Même Batman, on évite assez souvent de le placer dans les combats cosmiques auxquels se livre la Justice League, tout simplement parce que il ne peut pas vraiment rivaliser avec Green Lantern ou avec Superman en termes de pouvoir, à moins de vraiment le gonfler à bloc artificiellement pour le mettre sur un pied d'égalité avec les autres personnages, mais enfin c'est quelque chose à quoi on a un peu de mal à croire et qui trahit un peu le personnage de Batman. Par rapport à tous ces pouvoirs, t'as juste dit le mot magie à un moment. Je me demandais, parce que moi j'ai l'impression, alors je ne suis pas une grande pro de comics, que c'est souvent très caution scientifique, on va dire. Le super-héros, super-héroïne, à partir du moment où il développe des super-pouvoirs, c'est qu'il y a eu une araignée radioactive qui l'a mordu. Mais on est du domaine de la science. Est-ce que parmi les super-héros, super-héroïnes, de la science, ou voire extraterrestres, mais on est sur du réel, en fait. On n'est pas sur du magique. Est-ce que dans les personnages de super-héros, super-héroïnes, il y a du magique ? Oui, bien sûr. Ne serait-ce que Doctor Strange, par exemple. Ah, oui, effectivement, j'y avais pas pensé. On a Shazam aussi, qui est entièrement lié à la magie, puisqu'il reçoit une bénédiction d'un vieux sage qui lui permet, quand il prononce le mot Shazam, de se transformer en super-héros doté de plusieurs attributs magiques. Par ailleurs, il y a beaucoup d'artefacts dont on peut se demander à quel point ils sont liés à une nature extraterrestre ou magique, comme l'anneau des Green Lantern, par exemple, ou le marteau d'Odin, qui relève à la fois de la magie et de la science-fiction. Mais oui, la magie appartient pleinement à ces univers fictifs, même si évidemment on l'emploie assez rarement parce que il est difficile de définir des limites à la magie. Donc il est difficile d'établir des codes et donc de créer une véritable tension dramatique. Là où on sait exactement ce que Superman ou Batman peuvent faire, donc on sait exactement ce à quoi on peut les opposer, et le lecteur peut davantage s'identifier à ces personnages. Mais on a plusieurs personnages de magiciens. Vous connaissez peut-être Constantine aussi, qui est assez connu et qui avait le droit à son film oubliable avec Keanu Reeves il y a quelques années. La magicienne Zatanna, enfin, il y a plusieurs figures comme ça de magiciens. C'est intéressant puisque tu as décrit un peu en détail la fiche de perso du super-héros. On a parlé plutôt de figures masculines jusqu'à présent. Est-ce que les figures féminines divergent un peu de ces figures-là ? Parce que c'est vrai qu'a priori, on a tendance à dire « Oui, mais c'est peut-être plus tardif, alors que c'est peut-être pas le cas. » Pour le coup, j'en sais rien. Je sais pas du tout si la super-héroïne arrive en même temps que le super-héros, mais peut-être qu'il y a une variation de la thématique-là. Alors, les super-héroïnes apparaissent à peu près en même temps. Enfin, la plus emblématique des super-héroïnes, c'est bien sûr Wonder Woman, qui apparaît quelques années seulement après Superman et qui évolue par son auteur comme une icône du féminisme. D'ailleurs, il y avait eu un excellent film l'année dernière, ou il y a 2 ans, sur la création de Wonder Woman, que je recommande vraiment à tout le monde, avec Luke Evans dans le rôle principal, et qui était un film absolument remarquable pour rappeler justement cette volonté un peu particulière de créer une icône féministe, quitte à adopter des codes du sadomasochisme pour définir ce personnage. Enfin, c'est assez fascinant. Donc il y a plusieurs super-héroïnes, évidemment, il y a beaucoup moins de super-héroïnes que de super-héros, parce que globalement, on s'adressait à un lectorat masculin assez jeune, qui est supposé, et bon, c'est probablement vrai en partie, s'identifier plus facilement à des figures mâles, surtout, bon, on sait combien les garçons de 6 ou 8 ans préfèrent s'identifier à des garçons et ne veulent pas jouer avec les filles. Enfin voilà, on s'adressait vraiment à cette logique-là. Et au fur et à mesure que le lectorat s'est diversifié, que le comics a gagné en maturité, on a écrit des personnages féminins plus intéressants. Là, on en a eu un exemple assez marquant récemment avec Captain Marvel, qui est tout de même, enfin, qui est enfin le premier film Marvel consacré à une super-héroïne et qui est de très loin la super-héroïne la plus importante du Marvel Cinematic Universe actuel. Donc on en a quelques-unes, mais effectivement, elles sont moins notables. Et elles ont cette particularité que généralement, juste précisément du fait qu'elles soient minoritaires, elles interrogent sur la notion de féminité, sur la difficulté d'être acceptée en tant que super-héroïne parmi des super-héros masculins. Et doivent généralement compenser ça, soit en se montrant enfin égale ou plus forte que ces héros. Si on avait conservé par exemple que la veuve noire dans l'équipe des Avengers indéfiniment, on comprendrait que la veuve noire n'est là que pour être la caution féminine des Avengers, que parce qu'une équipe intégralement masculine ferait tâche du point de vue de Disney. À une époque, on est quand même contraint médiatiquement d'adopter certains quotas de représentation, et il faut donc tenter d'établir une certaine égalité entre les différents protagonistes, quel que soit leur genre, leur ethnie, etc. T'as sorti quelque chose qui moi m'a totalement étonné et que j'ignorais totalement, c'est l'influence du sadomasochisme dans l'écriture de super-héroïdes. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, ça paraît incongru. Enfin, en tout cas, on se dit, mais c'est les créateurs ou les créatrices d'ailleurs qui sont, qui ont un penchant pour ça, ou c'est quelque chose, peut-être une volonté de sexualiser ces super-héroïnes. Non, même pas en l'occurrence. L'auteur, le créateur de Wonder Woman, William Moulton Marston, était lui-même adepte du sadomasochisme. Et lui était vraiment très féministe. Il avait une relation avec deux femmes en même temps, ce qui évidemment à l'époque, enfin dans les années 40 des États-Unis, vous imaginez un peu le contexte, était extrêmement mal vu. Et il voyait vraiment le sadomasochisme comme l'une des formes de la libération de la femme, dont il tentait de faire de Wonder Woman l'une des figures emblématiques. Et ça se répercute notamment dans les aventures de Wonder Woman par le fait qu'elle est très souvent ligotée, notamment dans les premières aventures, elle est presque constamment ligotée. Donc c'est pas évidemment quelque chose de sexuel, parce que le sadomasochisme est sexuel, mais c'est pas du tout une volonté d'en faire une figure attractive. Et d'ailleurs, Marston lui-même se plaignait beaucoup qu'ensuite, quand DC s'est réapproprié le personnage, il en ait fait un personnage plus sexualisé. Parce que lui, son but, c'était pas du tout d'en faire un fantasme masturbatoire pour les petits garçons. C'était pas le but. Au contraire, même. Et du coup, là, on a beaucoup tourné sur les super-héros à la mode américaine. Parce que c'est lié à des grosses mégalopoles, c'est aussi le reflet de la société et de la politique américaine. Est-ce qu'il y aurait des différences avec tout ce qui est super-héros, super-héroïnes français ou européens ? Alors, je dois dire que c'est un sujet que je ne maîtrise pas entièrement, donc s'il y a des auditeurs curieux, je leur conseille vraiment de se reporter au livre « Super-héros, une histoire française » de Xavier Fournier, qui lui postule qu'il y a une histoire française du super-héros, et non seulement une histoire française, mais qu'il y a que le super-héroïsme est un genre français à l'origine, puisqu'effectivement, on trouve beaucoup d'influences des super-héros ou des figures qui ressemblent à des proto-super-héros dans la littérature populaire française. Enfin, on peut penser, par exemple, à Monte-Cristo, Rocambole, Jean Valjean, même le Capitaine Nemo, le Bossu, Arsène Lupin, Judex, Nyctalope, enfin, tout ça qui sont des figures extraordinaires, bien avant la naissance du super-héroïsme. Et ensuite, très vite, on a eu une tradition, même dans la bande dessinée française, de super-héros. Ça, ce qui passait d'abord par la traduction de Superman et ensuite par des réappropriations. Par exemple, dès les années 40, on avait, au début des années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait la figure de François l'Imbattable, qui était une espèce de copie pirate de Superman, qui en récupérait certaines cases, en redessinait quelques autres, et essayait en tout cas de ne pas apparaître trop explicitement comme une copie de Superman. Et on a eu des dizaines, peut-être des centaines de personnages de super-héros français qui pour beaucoup étaient soit des imitations de personnages états-uniens, soit des parodies ou des pastiches de ces personnages. Enfin, quand on pense super-héros français, on pense notamment à Super Dupont. Mais on a aussi Megabra, Plageman, enfin les personnages de Bouzard. Donc on a notamment cette dimension parodique qui aujourd'hui est plus affichée, simplement parce que le super-héros états-unien possède un tel monopole culturel qu'on a l'impression que le super-héros français, européen, ne peut se défendre qu'avec le rire. Mais on a également des super-héros français sérieux. Il y a Foxboy, notamment, de Laurent Lefebvre, qui fait pas mal parler de lui en ce moment. On va voir bientôt un film produit par la Warner, prétendument sur le premier super-héros français, qui devrait sortir l'année prochaine, il me semble. Et surtout, on a une initiative très intéressante de Serge Lehmann, qui est un scénariste français de science-fiction et qui a composé avec plusieurs auteurs toute une série de bandes dessinées reprenant des figures antérieures aux super-héros, donc des figures généralement des années 1910-1920, racontées à la manière super-héroïque, notamment dans La Brigade Chimérique, Masqué, Métropolis, L'Œil de la Nuit, où il reprend plusieurs figures de la littérature ou de l'inconscient collectif qui ont réellement existé soit dans la culture, soit dans la réalité historique dans les années 10-20, pour les raconter exactement comme des personnages super-héroïques. Et donc ça, c'est une bande dessinée contemporaine qui est certainement l'une des réappropriations les plus intéressantes du super-héros, puisque ça postule vraiment qu'en France, on avait des super-héros bien avant Superman et Batman. Donc c'est une thèse à laquelle je ne souscris pas tout à fait, parce que si évidemment les proto-super-héros français sont... Enfin, c'est assez flagrant de voir à quel point ils ressemblent à ce que deviendront les super-héros ensuite. Pour moi, le super-héroïsme lui-même est vraiment une création états-unienne. ne serait-ce que parce qu'il s'est développé grâce au succès de Superman et grâce à la volonté d'imiter le personnage et le succès de Superman dans une tradition de bande dessinée. Mais on a des réappropriations originales européennes, et notamment en France, où on a plusieurs traditions de super-héros français sérieux et parodiques. Il y a un point que je trouvais troublant dans ce que tu as dit, c'était la dimension comique du super-héros ou de la super-héroïne dans ces traductions européennes ou françaises. Je crois pas, ou alors c'est peut-être une erreur, je connais très très mal le sujet du super-héros et de la super-héroïne. Je crois pas qu'il y ait ça du côté anglo-saxon, ou en tout cas américain, du super-héros. Ce qui m'amène à la question, comment on peut rire du super-héros alors que déjà le principe d'un personnage qui se balade en slip et qui va sauver le monde, enfin, déjà effectivement, et on arrive à prendre ça au sérieux, et alors du coup comment on arrive à créer du comique à partir de tout ça? Alors il y a déjà une tradition comique super-héroïque aux États-Unis, assez vite, notamment Super Duperman dans les années 50, qui a beaucoup inspiré Super Dupont. Et effectivement, c'est un peu le problème, c'est que le super-héros est déjà un personnage qui est ridicule en soi, mais il y a le fait qu'il est ridicule et qu'il se prend pourtant au sérieux. Et pour le détourner, par exemple dans Super Duperman, qui est vraiment la bande dessinée satirique emblématique des années 50, Superman affirme vraiment son machisme. En tant que Clark Kent, qui est nommé Clark Bent, c'est une espèce de petit tâcheron minable, sale, totalement incapable, maladroit, qui fantasme sur Lois Lane, surnommé ici Lois Payne, et qui est une espèce de bimbo sexy, extrêmement intelligente. Donc Clark Bent se transforme en super Duperman et en super macho. Il détruit pratiquement la moitié de la ville pour affronter son adversaire. Donc voilà, on peut aussi se moquer de la capacité de destruction des super-héros, qui est un peu atténuée dans les comics et qui peut vraiment être mise en valeur dans ses parodies. Et une fois devenu cette espèce de gros macho musclé, essaie de séduire Lois Payne, qui lui dit si tu étais un minable avant, tu restes un minable. Donc il y a plusieurs manières de se moquer, plus ou moins gentiment, enfin on reste généralement dans la blague un peu potache, un peu facile, la plupart des traits super-héroïques, leur super pouvoir dévastateur, leur double identité, leur volonté d'avoir une vie civile malgré la responsabilité super-héroïque, leur machisme assez fréquent. Donc il y a toutes ces dimensions qui prêtent à rire, qui prêtaient probablement à rire déjà à une certaine frange du lectorat au début des aventures super-héroïques sérieuses, et qui ensuite a été vraiment assumé dans certaines bandes dessinées parodiques. Et du coup, ces bandes dessinées parodiques, elles perdent leur effet de critique ou de... Non, c'est pas critique le terme que je cherche, mais de mise en relief des éléments politiques et moraux pour critiquer d'autres aspects, parce que je suppose qu'aussi à tirer à grands traits le personnage un peu ridicule d'un gros macho, c'est aussi peut-être une manière aussi de critiquer le phénomène. Oui, tout à fait, il y a clairement cette dimension-là, ne serait-ce que dans cette aventure de Super Duperman, il affronte un adversaire qui s'appelle Captain Marvel, c'est qui est en fait un personnage tiré de Shazam, justement à une époque où DC Comics avait intenté un procès à la maison d'édition qui avait créé Shazam, Fawcett Comics, et avait interdit l'utilisation de ce personnage pour ensuite le racheter et l'intégrer à son propre catalogue. Maintenant, Shazam est un personnage de DC Comics. Et donc, il y avait aussi cette volonté de contester l'hégémonie culturelle de ce qui était déjà, à l'époque, les Big Two, Marvel et DC Comics, et qui avait vraiment une politique agressive vis-à-vis de tous leurs rivaux, en plus de posséder des personnages qui étaient politiquement assez malsains, et le fascisme des super-héros est critiqué dès les années 40 par des journalistes, par des prêtres, par des psychiatres, etc. Et leur machisme. C'est aussi pour ça que Marston avait créé Wonder Woman en icône du féminisme, parce qu'il savait, il voyait bien que c'était une dimension à laquelle il fallait s'opposer, même si les comics étaient quand même assez insignifiants. Enfin, c'était une littérature enfantine assez plate. Il voyait déjà quel modèle malsain ça pouvait donner aux enfants. Je pense à ça, puisqu'on a parlé du côté machiste donc des super-héros. On a évoqué la super-héroïne, mais c'est vrai qu'on a l'impression que... Alors, pour Batman, je ne sais pas, mais c'est vrai que dans Superman, un peu, il y a toujours cet intérêt féminin, Lois Lane. Ce qui m'amène à... Qu'est-ce qui intéresse de le super-héros, qu'est-ce qui est, quel est son but en fait? On sait que Batman est dans une quête de vengeance. Superman, bon, il a cet intérêt féminin. Ce qui me mène, ouais. Qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie? Quel est leur but? Quelle est leur mission en fait? Justement, l'une des définitions du super-héros, l'un des traits essentiels du super-héros, c'est qu'il n'a pas réellement de but. En tant que super-héros, il est dans une démarche de protection de l'humanité. Donc il doit lutter contre le crime partout, à chaque fois qu'il en a l'occasion. Et donc il est vraiment dans une démarche active, voire proactive, de traque éternelle du crime. Son objectif, ça serait l'annihilation complète du crime. Et enfin, comme il ne s'attaque jamais aux racines, mais qu'il s'attaque toujours aux manifestations les plus superficielles en allant arrêter les délinquants, les criminels qu'il voit et qui attaquent l'ordre public, forcément, il ne change jamais grand-chose et donc doit sans cesse réitérer la même quête. Donc en soi, il ne cherche rien, et c'est justement ce qui distingue probablement, enfin l'un des traits qui distingue le héros classique du super-héros, c'est que le héros classique possède généralement une quête, cherche généralement quelque chose, enfin c'est le schéma du héros aux mille visages de Joseph Campbell, le héros est appelé à l'aventure, et une fois l'aventure résolue, revient chez lui, grandit par ce qu'il a fait. Le super-héros ne connaît jamais ça. Même un personnage comme Tintin qui vit plusieurs aventures, ou comme Astérix qui vit plusieurs aventures, ne fait qu'affronter les aventures qui lui tombent dessus. Là où le super-héros va constamment chercher les aventures, parce qu'il va constamment chercher le crime à résoudre. Donc c'est une quête sans fin, et c'est justement l'une des choses qui définit le super-héros, et qui en fait une figure à la fois répétitive et fascinante. Et qu'en est-il des personnages satellites autour du super-héros? Parce que là, c'est vrai que le super-héros, il prend toute la place. Et pourtant, la plupart ont des sidekicks, des acolytes. On connaît Robin de Batman. J'ai très, très envie de citer Batgirl aussi, parce que dans le civil, elle est bibliothécaire. Et c'est cool. Oui, Batgirl, la fille de... Alors, je les ai pas relues depuis très longtemps, mais c'était la fille de Gordon qui était bibliothécaire. Et Batgirl, quoi. C'est quand même cool. Je crois que c'est la seule héroïne bibliothécaire cool qui existe dans la littérature, d'ailleurs. Bon, j'espère que je ne dis pas trop de conneries. Mais du coup, comment les sidekicks, les personnages satellites se construisent justement dans cette quête sans fin de la lutte contre la criminalité Alors ça dépend vraiment de chaque sidekick. Mais c'est vrai que la plupart ont une relation un peu plus conflictuelle, en tout cas à cet objectif, puisqu'ils ils se greffent à la quête de leur... je sais pas comment dire, de leur mentor, on peut dire ça, enfin du super-héros auquel ils sont associés. Eux-mêmes sont... Ouais, ça dépend vraiment des cas, donc il est difficile de tirer des généralités, mais la plupart des sidekicks ne sont pas autant des super-héros que les super-héros pour lesquels ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils ne partagent pas le même absolutisme, ils ne sont pas aussi radicaux que les super-héros pour lesquels ils travaillent. Les différents Robin de Batman, puisqu'il y en a eu plusieurs avec le temps, sont généralement en conflit avec Batman, qui est une figure évidemment extrêmement exigeante. Et par exemple, le premier Robin, Dick Grayson, devient assez vite Nightwing et devient un super-héros à part entière qui va aller dans une autre ville et combattre le crime justement pour prendre ses distances avec Batman et reviendra de temps en temps l'aider, mais trouve vraiment un besoin d'indépendance, un besoin de s'affranchir, qui ne se manifeste qu'avec la distance du super-héros, parce qu'il ne peut pas, s'émanciper en tant que personne et en tant que héros, tout en restant greffé à la quête de Batman. D'autres sidekicks rentrent simplement dans le civil, abandonnent leur mission, parce qu'il y a un moment où ils trouvent le bonheur, ils tournent la page sur ce qui a pu causer leur attachement au super-héros, tandis que d'autres, enfin, restent vraiment attachés au héros qu'ils servent. La plupart des sidekicks sont inventés pour attirer l'attention du public. Quand Robin, notamment, est créé pour Batman, l'idée, c'est vraiment que le lectorat pourra s'identifier plus facilement à ce gamin qui donne un peu de lumière, un peu plus de vie, qui bariole un peu l'univers du Chevalier Noir. Et on est vraiment dans cette idée que le sidekick est un facteur d'identification souvent plus facile que le super-héros lui-même. C'est une dimension qui s'atténue avec le temps, parce que comme le lectorat mûrit et gagne en âge aussi, il devient, et surtout que les aventures gagnent en maturité, il devient plus facile au lecteur de tous âges de s'identifier au super-héros, de sorte que les sidekicks redeviennent des ressorts dramatiques plutôt qu'un simple outil d'identification. On a parlé donc de la figure du super-héros, de comment on l'écrit, on le conçoit. On a utilisé des des exemples assez, assez datés. Après, c'est pas un reproche. Mais du coup, toi, tu t'intéresses dans tes recherches à la figure des héros et des héroïnes après, et de leur dimension politique, sociale, et enfin sociale, morale et religieuse, à partir de 86. Justement, qu'est-ce qui s'est passé en fait après 86? Comment ces figures-là, ou les nouvelles figures qui sont apparues, ont évolué? Tu parlais d'un modern age, je crois, d'un oui, tout à fait, oui. Nouvel âge du personnage héroïque. Comment ça a évolué, d'après toi? Alors, si on accepte le principe que je postule, que le super-héros est intrinsèquement et par définition fasciste, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir de 1986, les auteurs assument cette dimension fasciste de leur personnage pour la remettre en cause. Ce qui ne veut pas dire qu'ils dévalorisent entièrement la figure super-héroïque. Après tout, ils écrivent des récits de super-héros. Watchmen, par exemple, c'est un récit qui fait à peu près 500 pages. Donc, on n'écrit pas 500 pages juste pour désinguer le super-héros. Ça ne marche pas comme ça. On reste dans des récits qui tentent de revaloriser le personnage, mais justement de lui redonner une valeur qu'il n'aurait pas intrinsèquement. Ce sont des auteurs qui sont sceptiques, généralement, sur ce que le super-héros peut apporter en termes de moralité au lecteur. Et qui, en contestant ce qu'ils peuvent avoir de dangereux, de pernicieux, vont essayer de leur faire regagner une dimension réellement démocratique, d'en refaire des protecteurs et des modèles un peu sains pour leurs personnages. Parce qu'à partir du moment où on dit au lecteur « Attention, le personnage dont tu es en train de regarder les aventures, il est quand même dangereux, il est un peu fou, il est un peu facho », ça ne donne pas très envie, et pourtant on le montre quand même comme un personnage qui lutte réellement pour ses idéaux. Donc il est un modèle, mais un modèle auquel on invite le lecteur à prendre un peu de distance. Et c'est ça qui les rend à nouveau un peu sains. C'est un personnage qui peut parfois tenter de prendre le pouvoir, mais qui y renonce. C'est ce que je disais tout à l'heure pour le comics Kingdom Come notamment. On actualise la potentialité tyrannique du super-héros pour ensuite l'y faire renoncer. Ou on actualise sa potentialité dangereuse, violente, extrême, pour que le lecteur perçoive enfin les limites du personnage qu'avant il était supposé admirer un peu benoîtement et imiter, alors qu'on ne peut pas imiter Superman ou Batman. Enfin, on n'a pas du tout les moyens physiques, intellectuels, financiers d'imiter ces personnages. On était supposé imiter leur exemplarité, quoi que cela puisse vouloir dire dans notre monde. Et on réinterroge un peu les valeurs auxquelles Spero était traditionnellement associé pour lui redonner d'autres valeurs, ou en tout cas le réinstituer dans les valeurs un peu, les valeurs démocratiques, les valeurs un peu saines. En refaire finalement un personnage que le lecteur peut aimer, et peut vraiment aimer, peut vraiment admirer, peut vouloir suivre, indépendamment de ce qu'il peut avoir de dangereux. Ouais, du coup, ça me fait comprendre différemment un comics que j'ai découvert il y a pas très longtemps, alors qu'il est sorti, lui, il y a longtemps, c'est Invincible, je ne sais pas s'il faut le prononcer à l'anglaise, où justement on suit une sorte de super-héros qui... j'ai lu que les trois premiers tomes pour le moment, mais qui va transmettre passer le flambeau à son fils, qui lui est né d'une mère humaine et qui du coup est peut-être plus facile à s'identifier et qui a des valeurs morales humaines et qui du coup reprend ce flambeau moral d'être plus... On arrive plus facilement à s'y identifier parce que ça reste un ado qui va au lycée tout au début et qui veut vraiment sauver le monde. En plus, il y croit, il essaye de développer ses pouvoirs pour ça. Et donc, ouais, je lis ça autrement. Oui, puis je ne te spoilerai pas trop, mais il y a un traitement ensuite de la figure du père qui montre vraiment une espèce de passage qui montre qu'il y a vraiment un passage de flambeau entre des super-héros un peu ancienne génération et des super-héros nouvelle génération, avec une critique du super-héros traditionnel, mais tu verras ça dans les tomes. Je l'ai vu et justement je me suis arrêtée juste à ce moment-là et je veux pas trop en dire, parce que si vous voulez lire justement sur toute cette dimension-là du critique du super-héros traditionnel, remise en cause des schémas narratifs, voilà, si des gens sont pas très fans du super-héros parce qu'ils ont l'impression que c'est tiré à gros traits, là, c'est le traitement est très intelligent. Je vais pas dire en plus, mais voilà, c'est juste le petit teasing si vous avez envie, parce qu'effectivement, il y a une vraie prise de conscience de ces enjeux-là, en fait, et de critiquer, de dire quelqu'un qui a autant de pouvoir, est-ce qu'on peut lui laisser autant de pouvoir aussi Je vais arrêter d'en parler parce que je vais spoiler, je vais me faire engueuler après. Oui, puis ça peut rassurer les auditeurs, c'est un comic, c'est très coloré, très frais, très amusant par moments, et c'est écrit par le scénariste de Walking Dead, donc ça... Oui. Si ça n'a suscité pas la curiosité des auditeurs, je ne sais pas ce que... C'est ça, et le dessin est super beau, vraiment, et les personnages sont très très cool. Merci beaucoup pour cette découverte, puisque pour le coup, je ne connaissais pas, et donc ça vaudra peut-être, ouais, peut-être le détour, ça fait très envie. Je te les prêterai. Avec grand plaisir. Là, on a vu, on a brossé en détail... Je pense que les créateurs et créatrices de jeux de rôle ou les maîtres de jeu auront du coup de la matière pour dessiner leur personnage. Maintenant, je serais assez curieux d'avoir ton regard de chercheur sur leur traduction ludique. Sur comment on joue en fait avec un héros. Par exemple, on voit là dans les récentes adaptations de Batman qu'on a vachement insisté sur le côté enquêteur et en même temps le côté combat. Est-ce que toi tu vois d'autres traductions qui ont été faites au niveau ludique sur ces figures du super-héros? Alors pour moi, l'une des plus intéressantes, c'est celle qui a été proposée par Telltale sur Batman, justement, en deux saisons. Ne serait-ce que parce qu'on reprend le principe des jeux Telltale, donc, qui sont pratiquement des films interactifs dans lesquels on fait des choix pour guider l'histoire. Et c'est assez pertinent sur un personnage comme le super-héros, parce que comme on l'a vu, l'intérêt du super-héros, c'est que c'est qu'il peut porter des valeurs différentes, des valeurs contradictoires, selon les époques, selon les traitements. Et le pouvoir lui faire des choix moraux, ça a vraiment de l'importance. Du coup, Batman, on peut le traiter comme un peu comme l'image qu'on en a tous, comme un personnage qui essaye de rester propre, de rester pacifique autant que possible, et qui, quand il le faut, sait se montrer impitoyable, mais toujours en préservant la vie et l'intégrité humaine, ou au contraire, comme une espèce de monstre, de monstre un peu psychopathe qui terrasse ses ennemis avec une violence impossible, et qui empale même l'un de ses adversaires à la fin du premier épisode de la première saison. Enfin, ça prend tout son sens d'incarner ainsi un super-héros dans un jeu à choix moraux. Bon, on peut rêver longtemps un jeu Bethesda sur un super-héros, c'est ce qui serait assez passionnant, mais évidemment très difficile à jouer. C'est aussi pour ça qu'on peut le faire dans un jeu qui est un film interactif, c'est que finalement les possibilités ludiques sont assez pauvres. Ce qui est intéressant, c'est les possibilités narratives, mais en soi, on ne peut pas faire grand-chose avec le super-héros. Là où c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a autant de jeux. De jeux Arkham par Rocksteady, et qu'on n'a toujours pas le fameux Superman sur lequel les rumeurs enflent et désenflent chaque année, qui serait en développement secrètement par Rocksteady, parce qu'on imagine bien qu'avoir un Superman dans un monde à peu près ouvert, c'est beaucoup plus difficile à créer d'un point de vue ludique. Enfin, les possibilités sont beaucoup plus immenses qu'avec un Batman dont les déplacements et les actions restent tout de même assez limités pour qu'on soit sûr qu'il ne va pas balancer il va pas tirer avec ses yeux laser sur les murs, et il peut pas voler. Enfin, il reste beaucoup plus contrôlable à la fois pour le joueur et pour le développeur, là où d'autres figures possédant plus de super-pouvoirs poserait davantage problème. Oui, mais du coup, ça peut induire aussi que le personnage vraiment traditionnel du super-héros avec tous ses super-pouvoirs, en fait, s'il est intéressant à lire sous forme de comics, est-ce qu'il serait vraiment intéressant à jouer? Parce que justement, tous ses pouvoirs sont complètement illimités. Donc en fait, alors que le goût du jeu peut venir en partie de la contrainte de trouver quoi faire avec la limite des capacités du personnage joueur, où serait l'intérêt d'effectivement d'avoir un super-héros qui peut tout faire? Mais moi, je dirais au contraire que le potentiel ludique est infini, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait encore les moyens à la fois scénaristiques et simplement matériels. Après tout, on a eu d'excellents jeux. Le dernier Spider-Man est excellent, les jeux Batman Arkham sont excellents, et il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé de jeu où on pourrait se promener librement sur les toits d'une ville aussi de ville vivante, animée, avec un scénario et des possibilités de déplacement aussi étendues. Donc je suis sûr qu'il y aurait quelque chose à faire, mais pour ça, évidemment, il faut un travail de design considérable. D'autant que après, ce qui peut être rassurant, c'est que tous les super-héros ne sont pas comme Superman. Donc tous les super-héros n'imposent pas autant de contraintes ludiques, mais il faut réussir à trouver, pour un développeur, le juste milieu entre un super-héros médiatique, donc qui fera vendre, ce qui est fondamental aujourd'hui, vu le prix de production et de vente d'un jeu, il faut faire un hit à tout prix. Et on ne va pas commencer à faire un petit jeu sur Green Arrow ou sur La Veuve Noire. Enfin, ce qu'on veut, c'est vraiment toucher à quelque chose de fort et en même temps faire quelque chose qui soit réel, qui puisse être développé techniquement. Parce que pour l'instant, c'est aussi un avis pour ça qu'on fantasme sur un Superman et qu'on ne sait toujours pas si Rocksteady le développe réellement. Ça paraît techniquement vraiment très difficile de limiter les déplacements et les actions possibles par un personnage, en même temps que ça paraît absolument... Ça paraît parfaitement stimulant. On aurait un peu une vengeance sur le vieux jeu Superman de Nintendo 64, qui est connu comme un des pires jeux de tous les temps. Et justement, on avait du brouillard partout, on ne pouvait jamais se déplacer où on voulait, on avait parfois une pauvre ville et deux petits méchants devant soi, et jamais davantage, parce qu'évidemment, on pouvait rien faire, précisément parce qu'il fallait limiter autant que possible les possibilités d'interaction avec l'univers. Mais il y a certainement des choses passionnantes à faire. Et les jeux vidéo Lego, par exemple, parviennent à faire des choses tout à fait amusantes avec les super-héros, même avec les super-héros dotés de pouvoirs. Donc il y a certainement des choses à faire, mais voilà, il faudrait vraiment voir grand, il faudrait vraiment des développements de plusieurs années et des possibilités techniques et de game design dont peu de studios sont capables. Mais ce serait formidable. Et en termes de limitations, enfin, il y a énormément de choses qu'on pourrait imaginer, mais on pourrait par exemple imaginer une enfance de Superman en jeu vidéo, avec le développement progressif de ses pouvoirs. Ou prendre des personnages qui apprennent, un peu comme Green Lantern, qui apprennent progressivement à se servir de leurs pouvoirs et ne sont pas dotés d'emblée de l'intégralité de ce qu'ils peuvent faire. Donc je suis sûr qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, mais bon, effectivement, ça demande un travail de maturation thématique et technique assez impressionnant. Pour des jeux qui peuvent être vraiment très impressionnants s'ils sortent, et surtout s'ils reprennent un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la complexité du super-héros, la complexité morale, la complexité narrative dont le super-héros peut être le porteur, plutôt que d'en faire des bêtes jeux d'aventure. Je précise à nos auditeurs que ce podcast est enregistré en mai 2019, et genre dans un mois c'est le 3, donc on n'est pas à l'abri qu'on nous annonce un Superman ou autre super-héros, je sais pas, moi ce serait très... J'imagine que certains financiers ont rêvé d'un Marvel Cinematic Universe adapté en jeu vidéo, quoi. Je sais pas si c'est possible. Ben, il y a un jeu Avengers qui est en développement, The Avengers Project, qui devrait avoir, enfin sur lequel on devrait avoir plus d'éléments à l'E3, mais j'avoue que j'en sais pas davantage. Pour l'instant, c'est vrai que les super-héros se résument beaucoup à des jeux de baston, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est une bonne manière effectivement de faire fantasmer sur leur pouvoir tout en limitant énormément les possibilités ludiques. Et après tout, on a eu une justice qui n'est qu'un jeu de baston, mais un jeu de baston avec énormément de cinématiques et une scénarisation assez impressionnante. Donc ça peut être aussi des bons points d'entrée. Mais on rêve de vrais jeux d'aventure RPG avec des super-héros. Ça serait un vrai fantasme. T'as cité plein de jeux. Dans ces jeux-là, lequel toi te plaise pour sa représentation du super-héros tel que tu l'étudies? Et c'est complètement subjectif comme question, c'est volontaire. Forcément, Injustice m'intéresse d'un point de vue un peu extérieur pour l'histoire qu'il raconte, plus que pour ses possibilités ludiques. Mais enfin, son histoire a été reprise dans les comics. C'est vrai que pour ma thèse qui traite des super-héros possédant un pouvoir politique et les enjeux moraux que ça peut avoir un univers dans lequel Superman prend le pouvoir et auquel Batman s'oppose, c'est forcément quelque chose d'assez passionnant. Après, en tant que jeu, comme je le dis, j'ai beaucoup d'intérêt pour les Batman de Telltale. Mais ma préférence irait peut-être quand même... Enfin, j'ai pas forcément tous les titres en tête là tout de suite. Ma préférence irait peut-être Arkham Origins, qui est l'un des jeux les plus détestés de la saga, mais que j'avais vraiment adoré jouer précisément par ses dimensions de découverte du personnage. Enfin, on revient un peu sur ses... On revisite un peu le background du personnage, la première rencontre avec le Joker, avec plusieurs personnages emblématiques, et qui m'avait vraiment beaucoup satisfait du point de vue de la découverte de l'univers de Gotham, d'un point de vue aussi bien en tant que traitement du personnage qu'en tant que traitement ludique. On sait que entre jeux de rôle, jeux vidéo, cinéma et bande dessinée ou manga, on sait qu'il y a des dialogues. Enfin, à mon sens, en tout cas, l'exemple le plus frappant, c'est sans doute l'adaptation du film, enfin l'adaptation cinématographique de Scott Pilgrim versus le reste du monde, qui a eu une traduction aussi en jeu vidéo. Alors que tout à la base, donc, c'est un comics manga fait par un Canadien, si je me trompe pas. Est-ce que tu vois justement des dialogues qui se sont faits ces dernières années, ou allez, même depuis peut-être depuis le début, entre jeu et les représentations des super-héros et super-héroïnes dans leurs médias respectifs. Alors justement, assez récemment, dans une conférence, je m'étonnais de ne pas trouver plus de bandes dessinées en tant que collectibles dans les jeux vidéo de super-héros. Parce qu'après tout, on a une époque où on a tellement de choses à collectionner dans les jeux avec des mondes ouverts qu'il me paraissait assez logique dans des jeux super-héroïques de pouvoir tomber sur des bandes dessinées canoniques à feuilleter. Et en fait, pas du tout. Le seul comics que j'ai trouvé dans les super-héros, c'était dans le jeu Far Cry, je crois que c'est dans Far Cry 5. On doit retrouver quelques comics et on ne peut même pas les ouvrir. On a juste la couverture, enfin, ce qui est assez, assez aberrant. Et en fait, on a relativement peu de dialogues intermédiatiques de ce genre, ce qui, à mon avis, est une grosse erreur. On a peut-être le Deadpool développé par Hainun, ça doit être en 2013, je crois. Parce que Deadpool, enfin, c'est un personnage qui est connu pour casser le quatrième mur. Et effectivement, dans le jeu vidéo Deadpool, on a des récitatifs, donc des bulles, des pavés de texte qui apparaissent dans le jeu vidéo et avec lesquels Deadpool parle, qui représente les différentes voix dans sa tête, et il regarde au début du jeu, enfin, si je me souviens bien, il regarde la télévision, et à la télévision, il y a de la publicité pour les comics Deadpool. Donc voilà, il y a ce jeu d'intermédialité métatextuelle, mais c'est quelque chose qui est assez rare. Donc évidemment, l'exemple le plus intéressant de cette relation intermédiatique, ça reste le jeu vidéo Injustice, qui a ensuite été adapté en comics, et des comics qui ont connu un succès tonitruant. Mais je vois pas d'autres rapports plus intéressants que celui-là. Alors qu'effectivement, le super-héros est une figure tellement intermédiatique qu'on pourrait très bien envisager des dialogues formels, mais j'en vois pas d'autres. Et côté jeux de société, parce que j'essaye de chercher, là, j'en vois pas. Peut-être l'exploitation de licences, mais peut-être pas sous... Est-ce que le super-héros, la super-héroïne a été un outil, un prétexte, un personnage de jeu de société ? Alors, oui. Donc ça existe, mais effectivement, souvent sous la forme de jeux à licence, donc c'est pas forcément les plus intéressants. Je suis sûr qu'il y a un Monopoly Batman ou un Cluedo Batman. Il y a évidemment beaucoup de jeux plus intéressants. Il y a notamment un jeu de deck building DC Comics. Donc le deck building, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, ce sont des jeux où on possède un petit deck de cartes assez faible au début. Et au fur et à mesure de la partie, on va acheter de nouvelles cartes qu'on va rajouter à son deck. Et ainsi, on devient de plus en plus puissant au fur et à mesure de la partie. Donc c'est une dimension qui évidemment est assez intéressante pour traiter d'un univers super-héroïque, puisqu'on a cette imitation du sentiment de puissance grandissante pour le joueur grâce aux mécaniques du jeu. Et surtout, il y a un jeu qui a fait beaucoup parler de lui récemment, c'est le Batman Gotham City Gotham City Chronicles, développé par Monolith, qui était un jeu de figurines assez imposant qui avait été développé en Kickstarter et qui va revenir sur Kickstarter le mois prochain. Et qui, c'est un jeu qui comprend une centaine de figurines qui propose des missions scénarisées dans lesquelles on incarne des équipes de super-héros pour terrasser la plupart des super-vilains emblématiques de l'univers de Batman. Donc il y a vraiment une volonté de faire de reprendre le personnage de Batman de façon très respectueuse. C'est bourré pour le coup de références à la fois à la série animée, aux comics et aux différents films, non, je ne sais pas aux différents films. Enfin, il y a une dimension intermédiaire qui est un peu plus assumée, notamment dans les références et dans les personnages qu'on peut incarner au cours de cette quête, et une volonté d'en faire de créer une histoire avec ces personnages dans un médium qui n'est pas connu pour son identification. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a relativement peu de jeux ambitieux centrés sur les super-héros. Enfin, le jeu de société, c'est un jeu dans lequel le joueur est évidemment très distant. Mais grâce au succès, à la mode récente depuis quelques années à peine des jeux narratifs, on a cette dimension qui revient un peu et qui a permis notamment le développement de ce jeu qui est assez imposant. Il y a peut-être quelques autres exemples, mais il me semble que ça reste l'exemple le plus intéressant aujourd'hui de jeux de super-héros essayant vraiment d'assumer entièrement ce qu'est le super-héros. C'est-à-dire un personnage qui vit depuis 80 ans, qui a été traité par des centaines de personnages, qui vit dans un univers lui-même peuplé de milliers de personnages, et connaissant des aventures relativement diverses où il affronte un véritable panthéon de super-vilains. Alors on voit bien effectivement comment le médium ludique, le médium jeu, s'est emparé de la figure. Tu l'as vachement bien expliqué. Après, peut-être comment ça peut être développé. Pour le coup, dans le cas de Scott Pilgrim, ce qui est intéressant aussi dans ce film-là, alors pour le coup, c'est pas un super-héros, mais parce qu'on parle de côté un peu transmédia ou intermédia, c'est que la BD originelle, pour le coup, était elle-même influencée par les codes du jeu vidéo. Je ne veux pas trop dévoiler l'histoire, mais globalement, le principe, c'est un personnage qui donc rencontre une fille qui l'intéresse, et en fait, il doit se bastonner comme un jeu de baston contre les 7 ex maléfiques, je crois, de cette personne-là. Donc, on voit bien l'influence du jeu de baston sur la structure même de la bande dessinée. Est-ce qu'on voit justement des influences du jeu vidéo, du jeu de rôle ou même du jeu de société, dans les structures, dans les codes du comics ou de la bande dessinée? Alors, pas sur les objets sur lesquels je travaille, pas comme ma connaissance. Enfin, évidemment, il y a une grande influence sur les mangas, mais avec le développement de... Je crois que c'est l'isekai, oui, c'est ça, l'isekai, le genre de manga dans lequel les personnages débarquent dans un univers... C'est généralement ça, c'est des personnages qui débarquent dans l'univers de jeu vidéo et qui doivent donc se réapproprier les codes du jeu vidéo pour vivre alors qu'eux-mêmes débarquent du vrai monde. Mais en termes d'influence formelle sur le comics, je n'en vois pas. C'est pas grave, hein. Non, mais il y a probablement certains exemples, mais en tout cas pas dans les exemples les plus connus, je ne vois pas ce genre d'influence. Je sais pas si toi t'as... Non ? Non, j'arrive au bout de mes questions. Eh ben, tant mieux. Enfin, après, moi non plus, je sais pas si toi, tu souhaitais aborder d'autres points avant qu'on passe à la question de fin. Pas que je sache, sinon que j'aimerais beaucoup voir un jour... je trouve très intéressante la mode contemporaine des jeux de société scénarisés. J'espère vraiment que ça finira par toucher l'univers super-héroïque. Parce que de même que... Enfin, finalement, on se heurte toujours au même problème que dans le jeu vidéo, qui est un problème des possibilités trop grandes du super-héros par rapport aux univers qu'on peut faire explorer techniquement. Et il me semble qu'on a une époque où on peut commencer à repenser le super-héros dans ces deux médiums, d'autant qu'il y a vraiment une volonté du public de s'identifier davantage à ces super-héros, de leur faire vivre davantage d'aventures et de se les réapproprier. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi une invitation aux rôlistes à se réapproprier ces personnages qui débordent de potentiel. Et aujourd'hui, on est quand même à une époque où le public, notamment le public américain, enfin le public européen, pardon, connaît surtout les super-héros grâce au cinéma. Et c'est bon, et c'est pour ça que je suis très content aussi de parler ici à l'occasion de ce podcast. Il est bon de rappeler la dimension intermédiaire, surtout la variété du super-héros dont on oublie souvent, voilà, que c'est un personnage qui a été créé il y a 80 ans. Enfin, les premiers super-héros ont été créés il y a 80 ans, ils ont été traités par des centaines de personnages, ils apparaissent dans énormément de médiums, et donc ils peuvent connaître des réappropriations, des revalorisations extrêmement diverses dans plusieurs médias. Et j'espère, enfin, c'est en ce sens, par le développement de ces différents médias, on se rend aussi compte de la richesse thématique du super-héros et de sa capacité à faire réfléchir sur le monde et sur les arts. Je me demande si du côté jeu vidéo, la VR pourra pas apporter des trucs pour le super-héros. C'est juste que là, en t'entendant, ça m'a réévoqué le fait que... Alors, je sais plus quelle expérience VR j'avais testée, mais on pouvait en gros plus ou moins voler au-dessus d'une ville, en fait. Hein. On mettait le casque de VR et on pouvait survoler la ville de Rennes. Et en fait, c'est toutes les personnes qui l'ont testé devant moi. Et moi-même, quand je l'ai testé, la première chose que je me suis dit, mais je fais ça y est, je suis Superman, c'est trop bien, je vole. Et je me demande si la VR pourra pas permettre d'incarner plus facilement des super-héros, super-héroïnes. Une fois les contraintes techniques auront pu être dépassées. Oui, à terme, certainement. Il y a déjà une expérience en réalité virtuelle de Batman qui dure une heure, je crois, mais que je n'ai pas pu essayer, faute d'avoir un masque de réalité virtuelle. Et puis bon, c'est vrai que les contraintes techniques font qu'aujourd'hui, c'est assez difficile. Enfin, déjà, la réalité virtuelle a beaucoup de mal à se développer tout simplement parce qu'elle est extrêmement limitée techniquement. Et dans un jeu de super-héros, on a quand même besoin de pouvoir faire des choses, de pouvoir interagir, de pouvoir se déplacer autrement qu'en se téléportant de lieu en lieu, et surtout dans des aventures un peu plus longues qu'une heure. Mais ça serait effectivement une excellente manière de réinvestir ce genre qui, passe énormément par l'identification, beaucoup plus que d'autres. On approche doucement de la fin de ce podcast. Et en fait, je me rends compte d'un truc que je... Bon, je pense qu'on aurait dû l'aborder plus tôt parce que ce sera peut-être l'occasion d'un autre podcast. On va voir. En fait, on s'est centré sur des représentations occidentales. Parce que je ne connais absolument pas d'autres super-héros, enfin des super-héros non occidentaux. Black Panther. Il n'est pas américain, justement. Enfin, c'est très bonne question pour toi, Siegfried, parce que c'est vrai. Black Panther a été créé par des auteurs états-uniens. Par contre, le personnage lui-même est un personnage wakandais. Donc, lui vient d'une petite province africaine. Mais est-ce qu'il y a d'autres. Enfin, est-ce que ça existe, la scène super-héroïque africaine, amérindienne, sud-américaine ou asiatique? Alors, tu veux dire en termes de production, est-ce qu'il y a une production asiatique de super-héros ou est-ce qu'il y a des personnages super-héroïques asiatiques? Je dirais une production, pour le coup. Alors, moi, j'en connais pas. Il y en a très probablement, mais plus à un niveau confidentiel. Ne serait-ce que voilà, parce qu'il y a vraiment un monopole éditorial des comics états-uniens qui se développe dans le monde, et c'est pour que des super-héros locaux puissent se faire connaître, il faudrait pouvoir se distinguer des codes états-uniens et apporter quelque chose et faire entendre sa voix plus fort que celle des États-Unis, ce qui n'est pas évident. Enfin, on imagine assez difficilement un super-héros créé, je sais pas, au Bangladesh et qui pourrait se faire entendre à une époque où on ne parle que de Batman et de Superman. Il y a des initiatives de ce genre, mais qui sont généralement assez localisées, assez confidentielles. Même s'il y a des tentatives, notamment DC Comics récemment avait lancé un grand projet d'appel à des auteurs étrangers pour écrire leurs super-héros. Donc ça reste écrire les super-héros emblématiques, mais on avait par exemple Mariani qui avait écrit un Batman. Et voilà, on avait quelques auteurs non états-uniens qui seraient appropriés certains des personnages emblématiques. Mais de même, DC Comics a tenté de créer plusieurs super-héros qui ne seraient eux pas états-uniens, qui seraient soit des immigrés, soit habiteraient carrément d'autres pays. On avait par exemple un super-héros français d'origine algérienne, Night Runner. Enfin, on a des super-héros japonais. Enfin, il y avait vraiment une tentative de diversification. Mais en tant que super-héros issus de production, à ma connaissance, il n'y en a pas de réellement médiatisé. Bah, merci, parce que ça éclaire aussi peut-être qu'il faut peut-être soutenir les super-héros locaux, peut-être. Bon, tout à l'heure, on a parlé de Foxboy. Oui, bah, c'était Foxboy, je voulais dire, un super-héros rennais. Voilà, s'il n'y a pas plus local, ou alors, je ne sais pas, il faut trouver au fin fond de la Meuse s'il y a des super-héros ou des super-héroïnes. Bah, probablement, il y avait déjà la série HeroCorp. Ah oui, qui vraiment investissait la petite campagne française de toute une population super-héroïque. Donc, il y a ces possibilités-là. Et il y a des bandes dessinées, effectivement, qui utilisent des super-héros très, très franchouillards. Mais bon, ça reste très national. Et à ma connaissance, ce n'est pas forcément connu dans les autres pays européens et a fortiori aux États-Unis. Mais il y a une production de plus en plus massive de super-héros français aussi, parce qu'évidemment que le succès états-unien, tout le monde a envie de dessiner des super-héros, donc il y a beaucoup de conventions qui permettent de mettre un peu en valeur les talents français à ce niveau-là, et il y a notamment beaucoup de Ulule et des financements participatifs qui permettent à des auteurs aimant dessiner des super-héros de créer leur propre personnage. Eh bien, merci beaucoup, Siegfried Wurtz. Cette fois, j'essaie de ne pas écorcher ton nom. Du coup, je vais laisser à Fanny poser la question traditionnelle de cette saison, la question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu peux nous évoquer ta première expérience de jeu marquante, s'il te plaît? Alors, c'est pas facile. Je pense tout simplement que c'est le premier jeu qui m'est vraiment marqué, c'était les Dames. Donc, un jeu de société abstrait, un peu intemporel. Enfin, je pense que tout le monde voit le principe. Les joueurs ont des rangées de pions des deux côtés de l'échiquier et tentent de détruire tous les pions adverses en amenant leurs pions sur la dernière ligne adverse pour les transformer en dames, ce qui leur permet d'acquérir des pouvoirs étendus, pour qu'on est vraiment dans une logique de... Enfin, c'est assez intéressant par rapport aux problématiques évoquées, parce qu'évidemment, c'est un jeu qui paraît complètement démocratique. On a tous exactement les mêmes pions. Contrairement aux échecs, tous les personnages ont exactement la même capacité, qui est de se déplacer d'une seule case en avant. Et mais c'est le but de ces petits pions, c'est de devenir des dames, donc d'acquérir le pouvoir de se dédoubler matériellement. On pose un pion sur un autre pion pour en faire une dame qui lui permet de se déplacer de façon infinie sur une diagonale. Donc c'est, et par ailleurs, enfin c'est aussi intéressant par rapport à ce qu'on évoquait là, j'y pense maintenant, c'est un jeu où on a l'impression que c'est parfaitement abstrait. Et pourtant, même dans un jeu aussi abstrait que les dames, on finit par recréer une certaine forme d'histoire, déjà parce qu'il y a un affrontement entre deux joueurs, mais aussi parce qu'on essaye de donner à nos personnages, à nos pions, la possibilité de devenir plus puissants. Et pour ce faire, il arrive qu'on sacrifie des pions pour faire tomber les pions adverses dans un piège, et du coup, on ressent une certaine douleur à sacrifier nos propres pions, mais il se sacrifie aussi pour qu'un autre devienne plus puissant. Enfin, il y a vraiment ce jeu d'identification, même dans l'abstraction, qui peut rappeler que finalement, on n'a pas forcément besoin de réalité virtuelle pour bien s'identifier, ou on n'a pas forcément besoin de personnages très humains qui nous ressemblent pour s'identifier, mais on peut s'identifier un peu à n'importe quoi, s'il y a une perspective artistique assez stimulante. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est pour comment dire, je sais pas si c'est une analogie ou cette métaphore du personnage. Merci encore. Donc, c'était Siegfried Wurtz, doctorant en littérature comparée. Tu travailles donc sur les enjeux politiques, moraux, religieux des comics et de leurs héros. Et de leur figure omnipotente depuis les années 1986. Merci à vous, à celles et ceux qui nous ont écoutés. Et ben voilà, vous avez peut-être entendu le petit jingle au début. Si vous souhaitez soutenir le podcast et l'association Studio Dilettante qui l'apporte, vous pouvez nous retrouver sur Tipeee, sur tipeee.com/studio-dilettante. En attendant, vous pourrez, tiens, tant que j'y pense, un joli prolongement de ce podcast à venir avec les conférences du Festival Stunfest. On enregistre quelques jours après l'édition 2019 et vous retrouverez une table ronde, je crois, sur en finir avec la figure du héros solitaire. Je trouve que c'est une belle manière de prolonger. Ça viendra normalement courant de l'été. Merci encore et à bientôt pour un nouvel épisode de Ludologie. Et en attendant, jouez bien, jouez plein, jouez peut-être de façon super héroïque ou en civil, je ne sais pas, comme vous voulez. En attendant, le temps, c'est de jouer. À bientôt. Un podcast Studio Dilettante.